Ne cherchez plus, c'est 90.7. Ne cherchez plus. C'est la saga. C'est la saga. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis Thierry Gallet. Je vous accompagne jusqu'à 22h. Et aujourd'hui, nous allons célébrer, enfin, plutôt c'est l'année, hein, des 50 ans de Sgt Pepper, Lonely Hearts Club Band, l'album phare des Beatles, la pierre angulaire du rock. On va écouter dans cette saga numéro 321. On écoutera évidemment, il fallait commencer par ça, Sgt Pepper, Lonely Hearts Club Band, suivi de With a Little Help from My Friends. Il est hors de question de séparer ces deux chansons. Il y aura également Getting Better, il y aura Fixing a Hole, il y aura Being for the Benefit of Mr. Kite, When I'm 64, pas encore, ça me prendra encore quelques années. Il y aura, et on finira, avec A Day in a Life. Ça, c'est l'album décortiqué. On aurait pu en passer d'autres, évidemment, de Sgt Pepper, Lonely Hearts Club Band. Il y aura du Lennon, du Harrison, du Starr et des Beatles. Beatles, on l'a déjà dit, mais il y en aura d'autres, des Beatles, bien entendu. Pour Lennon, ce sera Working Class Hero, tiré de l'anthologie, l'album Ascot, sorti en 1998. Pour George Harrison, je vous proposerai la démo qu'il a créé pour la chanson It Don't Come Easy, pour servir un peu de guide vocal à son pote Ringo Starr, parce que It Don't Come Easy est crédité Ringo Starr, mais son pote George Harrison a mis son nez dedans et il l'a produit, d'ailleurs, je crois me rappeler cette chanson là puis puisqu'on parle de Ringo Starr, il y aura Six O'Clock, créé par Paul McCartney pour son pote Ringo Starr en 1973 sur l'album Ringo. Voilà, pour le reste, eh bien, vous verrez bien au cours de cette soirée là et nous accueillons une nouvelle auditrice, ça je le sais, elle est, je crois, du sud de la France, elle s'appelle Galtier. Alors, vous pensez bien que son nom de famille, je l'ai retenu parce que Thierry Gallet, Galtier, on n'est pas très loin. Donc, bienvenue à elle. J'espère qu'elle est à l'écoute aujourd'hui à 20h de cette saga. Si elle n'est pas à l'écoute tout de suite, parce que peut-être qu'elle cherche, eh bien, elle nous retrouvera sur le podcast, évidemment. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que tout est prêt? Tout est paré? Vous nous retrouvez sur Facebook, dans le groupe La Saga des Fab Four, sur macaclub.com, dans le groupe La Saga des Fab Four, et sur Twitter avec le hashtag Saga Fab Four. Voilà, je pense que maintenant le générique est terminé, on peut commencer cette saga avec ce premier titre. Les Beatles ne sont plus les Beatles, c'est un nouveau groupe qui s'appelle Sgt Pepper, Lonely Hearts Club Band. Thank you. attitude, would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Dès le début, je suis obligé de prendre le temps d'expliquer un petit peu. On a coutume de considérer cet album comme le monument majeur de la pop musique. Son indépassable sommet, sa table de la loi. Ses contemplateurs, tels par exemple le fameux rock critique américain Lester Bangs, ont vu en lui, rétrospectivement, le symbole du moment où le rock s'est pris au sérieux et ses acteurs se sont vus comme des artistes. Voilà. Les Beatles avaient manifesté cette exigence auprès de leur ingénieur du son, Geoff Emerick. Tout sur Sgt Pepper se devait d'être différent. Ce fut le cas. Le disque révélait à la fois une rare complexité et une lisibilité. Une évidence si naturelle que partout à travers la planète, il fut accueilli avec bienveillance, compris et surtout aimé. Et il est encore 50 ans après sa sortie. On est dans la 50e année. Cet album de tous les superlatifs, vendu à plus de 11 millions d'exemplaires sur le seul territoire américain, on estime ses ventes globales à plus de 32 millions au moment où le livre était paru, c'est-à-dire il y a à peu près 5 ans. Donc ça a dû augmenter. Il reste 15 semaines numéro 1. Il est présenté comme le disque le plus important de l'histoire du rock par le groupe le plus important de cette histoire. En Angleterre, c'est durant 27 semaines, plus de 6 mois, que Sgt Pepper reste accroché en 67 à la première place des ventes. Il a été depuis placé en tête des listes des meilleurs albums de tous les temps, dans des tas de livres et numéros spéciaux de magazines rock dans tout le monde. Rappelez-vous le contexte, août 66, dernière tournée, les Beatles en ont marre, ils ne s'entendent même pas lorsqu'ils font des concerts, donc ils plaquent, terminer les tournées, on va se consacrer au disque et au studio. Et l'idée de Paul McCartney, c'est, allez, non seulement on s'y consacre, mais on est même quelqu'un d'autre, on n'est plus les Beatles, on est le Sgt Pepper. Alors ça ne va pas suivre complètement cette idée-là pendant tout l'album, mais il y a quand même de sacrées bonnes initiatives, ça part dans tous les sens, et surtout, ils se sont dit, on était quatre jusqu'à présent à faire seulement le boulot, maintenant on invite qui on veut. C'est ce qui se passera pour George Harrison avec son Within You Without You, et puis plein d'autres choses. Ils vont mettre énormément de temps à enregistrer cet album, c'est absolument fabuleux. Mais il faut qu'on avance, on va pas passer tout le temps sur Sgt Pepper. Donc voici la suite, John Lennon avec Working Class Hero sur RIG. Oh, she's gone to do it. I just wanted you to go on A&R, yes. Okay, I'll try. Okay?

McCartney. Oh, il manque McCartney, mais ce sera juste après, alors. Juste après, parce que il est temps de parler de Lovely Rita. Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Si vous voulez tout savoir, mais vraiment tout savoir, parce qu'il y a des millions et des millions de visiteurs tous les jours, c'est impressionnant. Dans le monde entier, forcément. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et tout le temps. Il n'y a pas de vacances pour Lovely Rita et le Beatles Magazine. Faites BeatlesMagazineUK.com. BeatlesMagazineUK.com. Et vous saurez tout sur les tournées de Paul, les tournées de Ringo, les albums qui vont sortir, puisque McCartney est en train de préparer un nouvel album. Yes, tant mieux. Et si vous avez aussi les copains qui sortent, les copains des Beatles, dont ils ont une actualité. Malheureusement, en ce moment, l'actualité, c'est plutôt les gens qui décèdent autour des gens qui ont connu Paul McCartney, Ringo et les autres. C'est bien dommage, mais bon, l'âge fait que ça arrive. Et il y a aussi les animateurs. Par contre, nous, on est là. On espère avoir notre temps encore. Les animateurs qui faisons des émissions sur les Beatles, eh bien, tout ça, c'est centralisé sur BeatlesMagazineUK.com. Merci, Lovely Rita. Merci, le Beatles Magazine. Extrait de l'album de la semaine, Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band. C'est sur RIG. Oui, absolument. Voici Getting Better sur RIG. It's getting better all the time. I used to get mad at my school. The teachers that taught me weren't cool. Dans ce titre, Getting Better, il y a tout l'optimisme de Paul McCartney et tout le cynisme de John Lennon, puisque McCartney arrive en disant « It's getting better all the time », donc ça va de mieux en mieux tout le temps. Et dans les chœurs, John Lennon dit « It couldn't get much worse », ça pourrait pas être pire. C'est ça, c'était ça la complémentarité de John et de Paul. Et tiens, ce qu'on parle de Paul, le voici en 1970 avec « Man, We Was Lonely » sur RIG. Yes, we was lonely.

Good Day Sunshine dans la version de 1984 tirée de l'album Give My Regards to Broad Street de Paul McCartney. Je vous laisse ça. And you don't think Harry are going to do a stupid thing like that, do you? Yes, I do. Voilà, c'était juste la fin de cette musique-là. Ça s'appelle Corridor Music, tout simplement. Je suis presque rien, mais bon, j'avais envie de vous laisser jusqu'au bout. Voici une chanson que j'aime beaucoup de Paul McCartney. Nous sommes en 1971, si c'est une phase B, si je me souviens bien. Oh Woman, Oh Why, sur RIG. Quelle voix, j'adore Paul McCartney. On revient à l'album de la semaine, si vous le voulez bien. Vous n'avez pas le choix, puisque c'est moi qui suis derrière les manettes. C'est l'album Sgt Pepper Lonely Hearts Club Band, sorti en 1967. Si cet album, Sgt Pepper, a été et reste un album phare dans l'histoire de la pop musique, sa pochette est une véritable icône des 60s. C'est d'abord la première pochette de rock à comporter les paroles de toutes les chansons. Et elle est double cette pochette, ce qui est rare dans le domaine de la pop, mais courant en musique classique. Et on y retrouve des éléments à découper, moustache, insigne, écusson pour se déguiser en sergent poivre, si. Mais bien sûr, c'est son recto qui capte l'attention de millions de fans. Sur une idée de Paul, les Fab Four, photographiés par Michael Cooper, sont installés dans un décor floral et entourés d'un nombre conséquent de personnages célèbres, choisis par les 4 Beatles, dont les images, grandeur nature, ont été collées sur du carton découpé. Parmi ceux-ci, on trouve Marlène Dietrich, James Dean, Sigmund Freud, Bob Dylan, Karl Marx, Marlon Brando, Laurel et Hardy, Shirley Temple, Oscar Wilde, etc. La liste complète se trouve facilement sur Internet. Le peintre Peter Blake, pape du pop art, c'est pas facile à dire ça, pape du pop art anglais, et sa compagne Joanne Haworth en signent la réalisation pour laquelle ils gagneront un Grammy Award mérité. On sait que dans la liste des personnages, la suggestion de John Lennon d'inclure Jésus-Christ et Adolf Hitler n'a pas été retenue. En réalité, ce dernier figure bien sur la pochette, mais il est caché par l'image découpée de Johnny Westmuller, l'un des plus célèbres Tarzan de l'histoire du cinéma. Quant à la silhouette du Mahatma Gandhi, elle a été écartée parce qu'elle aurait empêché la sortie du disque en Inde. Outre le jeu de devinettes concernant les personnages représentés derrière les Beatles, l'autre énigme qui a passionné les exégètes à la recherche d'indices prouvant que Paul McCartney est mort, oui. En 1969, quelqu'un, un disc-jockey de Détroit, avait dit « Paul McCartney est mort et voici les preuves ». Ils en ont disséminé, il est mort en 66, soi-disant, et les preuves ont été disséminées par les Beatles et le sosie sur les pochettes, dans les chansons, etc. Si c'était vrai... Le sosie, il a un sacré talent. Voici donc les Beatles avec le vrai Paul McCartney et cette chanson, Fixing a Hole, sur RIG. I'm fixing a hole where the rain gets in and stops my mind from wandering where it will go. I'm filling the cracks that ran through the door and kept my mind from wandering where it will go. And it really doesn't matter if I'm wrong, I'm right. Where I belong, I'm right. Where I belong. Saga, right here on your radio with the Regale. Two, three, four. fast and not too slow. A melody telling me some things should last forever. In other days and different times, when June and moon would always rhyme, a boy and a girl romancing, dancing together. A friend, it's true. He sang songs like this for me and you. Whenever I hear without you, we're still together. Music. Goes away. The love that is living inside you will guide you forever. Music, play this way. All I need is my imagination. Take me far away where I can be with everyone who loves me. Je le répète, j'aime Ringo Starr, j'aime George Harrison, j'aime aussi évidemment Lennon et McCartney, et je veux constamment faire découvrir à ceux qui ne sont pas au courant que George Harrison et Ringo Starr ont fait d'excellentes chansons après la séparation, même aussi avec les Beatles, bon, mais c'est moins flagrant peut-être pas. Mais bref, Ringo Starr a fait de belles chansons, comme celle-ci par exemple, Harry's Song, sorti en 2008 sur l'album Liverpool 8. Belle chanson. On revient en arrière, on passe de 2008, on revient avec la machine à remonter le temps, jusqu'en 1973 et l'excellent album Living in a Material World de George Harrison. Voici une chanson douce, pas que me chantait ma maman, encore qu'elle aurait pu, si elle parlait anglais. Voici The Light That Has Lighted the World sur RG. Une chanson sensuelle de George Harrison. I'm not what I was. How it really is a shame. The thoughts in the heads manifest on the brow like bad scars from ill feeling. They themselves arouse. so hateful of anyone that is happy or free. They live all their lives without looking to see the light that has lighted. As if nature itself, they prefer rearrange. So hard to move on when you're down in a hole where there's so little chance to experience soul. I'm bien le mot que Marc Stella sur Facebook, une douceur indescriptible. C'est vrai qu'il était très doux, George Harrison, très très gentil certainement. Dommage qu'on n'ait pas pu, enfin que j'ai pas pu le rencontrer, j'aurais bien aimé. Il me reste encore Ringo, j'espère que je le ferai. Lennon, j'étais un petit peu jeune. Et McCartney, je l'ai vu plusieurs fois, mais je ne lui ai pas serré la main, ce qui ne devrait jamais arriver parce qu'à ce moment-là, je pense que je ne parlerai plus anglais. Je serai juste devant mon idole absolue en train de me dire, c'est pas vrai, il me regarde, il pose ses yeux sur moi. Oh, j'ai des frissons rien que d'en parler. Tiens, puisqu'on parle de Paul McCartney, bien, allons-y. No Words, c'est bien ce qui m'arriverait si j'étais devant Paul. C'est en 1973 sur l'album extraordinaire Band on the Run. Et c'est sur RIG 90.7, www.rigfm.fr pour le reste de l'univers. You wanna give your love away. I'm giving nothing. I'm not surprised that your black eyes are gazing. You say that love is everything, and what we need the most of. I wish you knew that's just how true my love was. Bonsoir, je m'appelle Pascal et je prends ma voix d'hôtesse de l'air pour vous dire que j'écoute la saga depuis Bordeaux. Bonne soirée avec Thierry. Quand même que cette année 1967 avec l'album Magical Mystery Tour et l'album Sgt Pepper Lonely Hearts Club Band. Vraiment, vraiment, rien à reprocher. Oh, ça vaut pas l'année 1964. Mais c'est quand même plutôt bien. Allez, puisqu'on parle de l'année 1967, voici l'album de la semaine, l'album Sgt Pepper Lonely Hearts Club Band. Je tenais à vous dire que cet album a subi la censure, oui, deux chansons, A Day in the Life pour la phrase I'd Love to Turn You On, qui voudrait dire un peu du genre j'aimerais bien t'allumer, t'exciter, quelque chose comme ça, et surtout Lucy in the Sky with Diamonds, oh, LSD, alors qu'en fait, et Ringo l'assure parce qu'il l'a vu, je l'avais entendu de sa bouche en 1982, il avait fait une émission qui s'appelait Yellow Submarine, oui, forcément, et il avait commenté ça, il avait dit non, le point de départ de cette chanson, c'est Julian Lennon qui ramène un dessin et qui dit à son père, c'est Julie, et c'est Julie. Je me suis fait griller tout seul. C'est Lucie dans le ciel avec des diamants. Voilà. Et à partir de là, je vais essayer de me rattraper, mais je sais pas si je vais y arriver. Voici Being for the Benefit of Mr. Kai. Tiens, où est les Julie, justement? J'en veux bien qu'elle vienne sur le site La Saga des Fab Four Facebook. Bisous à tout le monde. Pablo Bank is there, what a scene. Over men and horses, hoops and garters, lastly to a hogshead of real fire. In this way, Mr. K will challenge the world. The celebrated Mr. K performs his feat on Saturday at Bishop's Gate. The Hendersons will dance and sing as Mr. Kite flies through the ring. Don't be late. Mrs. K and H assure the public their production will be second to none. And of course, Henry the Horse dances the waltz. he'll undertake on solid ground. Having been some days in preparation, a splendid time is guaranteed for all. And tonight, Mr. Kite is topping the bill. Commentaire de Nathalie, grande fan de John Lennon. Quelle voix ? Oui, c'est clair. C'est clair qu'il avait une sacrée voix, John Lennon. Nous arrivons au moment de la cover. La cover, c'est quoi ? C'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo, George ou les Beatles et qui est reprise par quelqu'un de connu ou pas. Même si, d'ailleurs, la cover à l'origine, c'était les Beatles qui l'avaient faite. Par exemple, avec une chanson de Chuck Berry ou quoi que ce soit. Eh bien, l'invité de cette semaine, c'est Ben Harper qui nous chante Walk With You, dans un album hommage à Ringo Starr, et juste après, on écoutera le duo Ringo Starr et Paul McCartney pour la même chanson Walk With You sur RIG. And the king of hearts. And I walk C'est vrai qu'il en a fait une très belle version, Ben Harper. Mais voici maintenant l'original, les originaux. Ringo Starr, en 2010, sur l'album Why Not, aidé par son pote Paul McCartney. Ils chantent ensemble, et rien que les deux voix, rien que les entendre sur scène, j'adorerais. Les voici sur RG. We'll be jamais nous compliquer la vie, hein, John Lennon. Ah, Bawakawa, poussait, poussait. Dans cette chanson-là, en 1974, sur l'album Bridge... oh zut, excusez-moi, ça ne sort pas. Walls and Bridges, voilà, je savais que j'avais mangé un mot avant. Ah oui, j'ai faim. Donc, Walls and Bridges, et quelques années plus tôt, c'était Jai Guru Deva Home, etc. Ah oui, oui, non, mais il aimait bien compliquer les choses. Voici quelqu'un qui aime simplifier les choses, mais qui a un talent fou, lui aussi. Il s'appelle Paul McCartney, et en 1975, il nous proposait ceci, Treat Her Gently, mêlé avec Lonely Old People. J'adore ce duo de chansons. Treat her gently, treat her kind. She doesn't even know her own mind. Treat her simply, take it slow. Way belle voix, très très belle chanson de Paul McCartney en 1975 sur l'album Venus and Mars. Je reviens à l'album de la semaine pour rajouter une chanson dans le bouquin sur lequel je tire des références. Ils vous ont dit là tout à l'heure qu'il y avait deux chansons, A Day in a Life et Lost in the Sky with Diamonds, qui avaient été censurées. En fait, il y en a trois, parce que c'est Ringo qui l'a dit hein, dans ce que j'avais entendu en 1982, les émissions Yellow Submarine. Il a dit: lorsque j'ai chanté With a Little Help from My Friend, I get high with a little help from my friend. Je vais donc très haut avec l'aide de mes amis. Mais on parle de quoi? De drogue? Oh, Ringo quand même! Cette chanson a été composée par Paul McCartney et bien entendu, ça ne parlait pas de drogue. Oh, c'est pas qu'ils l'ont pas fait de temps en temps les Beatles, mais sur ce coup-là, non, la critique avait tort, ça n'était pas ça. Tout comme lorsque Paul McCartney dit: quand j'aurai 64 ans, est-ce que tu prendras toujours soin de moi? Il a bien dépassé les 64 ans et nous, on prend toujours soin de lui. Three, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? You'll be all the time. And if you dans le vent et un animateur extraordinaire. C'est la saga des Fab Four, bien sûr, et c'est sur RIG. Show me her room, isn't it good? Norwegian food. faire plaisir à Nathalie, on double le John Lennon avec les Beatles et sans. Voici Oh My Love, 1971. C'est sur RIG, sur l'album Imagine. Sur Facebook, souligne, on peut tout de même remercier Yoko pour avoir été une muse formidable. Du bout des lèvres, je dis, ouais, allez, je veux bien le reconnaître. Ça, c'est un clin d'œil, je l'ai pas passé depuis des années et des années. Seaside Woman, Linda McCartney, mais John Lennon, Paul McCartney est bien présent. Keep an eye on me. Dainty little mama, smile on me. Let's go. Back. Twice. Come on, baby, don't be cold as ice. Said you're traveling on the one after 909. I begged her not to go, and I begged her on my bed at me. You're only fooling around, only fooling around with me. I said, move over once, move over twice. Come on, baby, don't be cold as ice. Said you're traveling on the one after 909. My bag. Run to the station. Railman says you got the wrong location. Pick up the bag. Run right home. Then I find I got the number wrong. Well, said you're driving on the one after 909. Move over, honey. I'm traveling on that line. Once, move over twice. Come on, baby, don't be cold as ice. Said you're driving on the one after 909. Railman said you got the wrong road. Hey, hey, pick up the bag, run right home. Then I find I got the number wrong. Well, hey, said you're driving on the one after 909. Said I move over, honey, I'm traveling on that line. Said move over once. Move over twice. Come on, baby, don't be cold as ice. Said you're traveling on the one after 90. She said you're traveling on the one after 90. She said you're traveling on the one after 909. Quand vous pensez qu'ils avaient déjà cette version-là, à peu près, en tout cas dès 1963, mais curieusement, elle avait été écartée de l'album d'origine pour ne ressortir qu'en 1970. C'était déjà parfait, ça roulait, c'était très très bien. One After 909, sorti donc sur l'album Let It Be. On arrive bientôt déjà à la fin de l'émission, donc voici le dernier extrait de l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Sgt Pepper, Lonely Hearts Club Band, sorti en 1967. Et voici la fameuse chanson A Day in the Life sur RIG. Turned away. to look. Having read. Essayer de finir à l'heure, je suis obligé de passer à la chanson suivante. C'est Coca Mami Business, George Harrison sur RG. On ne trouve la chanson que sur l'album Best of Dark Horse 1976-1989. Dans quelques minutes, ce sera Eric et son extraordinaire Johnny de A à Z sur RG. My back on the left, my strings on the BBC. The chops on Hill Pie Island, paid my dues at the marquee. Slacked off by the enemy, lost my stash, my virginity in this Coca Mami business. Got my face on it, Sullivan. Broke my heart on the soul train. Introduced to bad company, lost sales down the brain drain. And before I could mend, lost the missus, missed the girlfriend. This coffee made me business. Chopping down the forest for McDonald's and the burger. long as it's not them that has to pay. No one really minds the debt. Five-star actors, takes inspectors, producers and directors of the cockamamie business. On other days you feel half dead. While you make your daily bread. Wanna be a star, wanna just a fun guitar in this cockamamie business. Pose la question. Why don't we do it in the road? La saga des Fab Four sur la radio des Beatles. À consommer sans modération. Why don't we do it in the road? On va remonter un petit peu le rythme quand même pour accueillir Eric dans quelques minutes. Move Over Me Cell sur RG, phase B de John Lennon en 75, et après on finira avec un Ringo Starr plein de rock. Voici maintenant la dernière chanson de la saga des Fab Four, mais à fond, à fond, à fond, le son au maximum. Ringo Starr sur RIG. That seems so long ago. Well, nothing's changed, and if you don't believe me, look out your window. I wonder why we gotta try to see eye to eye to eye. What's mine is yours, what's yours is mine. When we see eye to eye to eye. Spinning and our lives go faster. ainsi que s'achève la 321e édition de la saga des Fab Four. Merci d'avoir écouté. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Je vous laisse en compagnie du meilleur, du plus beau, du plus grand, du plus fort, du plus doué et du copain du taulier, Johnny Hallyday. Voici dans quelques secondes Eric Gallo pour son fantastique Johnny de A à Z. Salut, à bientôt, ciao, bisous, filles. Tu prends une main au garçon.